pas si longtemps que tu ne veux plus de moi. Quand nous quittons, tu m'as dit que j'étais trop si trop ça. Mais j'ai fait des efforts et l'homme que je suis devenu est bien plus beau, plus fort que l'homme qui t'avait déçu. Premier nouveau progrès, je travaille mes chansons, celles que tu trouvais toutes molles et sans fond. Mais toi qui es rock'n'roll, tu vas trouver qu'à l'ombre que je me mette au tyrol et à l'accordéon. Pour ce qui est de ma paresse, je travaille lentement, faudrait pas que je me blesse gravement en songeant à l'éventualité de sortir tôt de mon lit. Pour ce qui est de la paresse, pour l'instant oublie. Tiens, en parlant de lit, j'y suis plus indécent et beaucoup moins poli que je ne l'étais avant. Et le truc que tu veux qu'on fasse à l'allumage, je l'ai compris un peu que c'était pas un nuage. Pour ce qui est de l'argent, ça va mieux ces temps-ci, depuis que le bar d'avant a été démoli. Le nouveau se prénomme à la bonne savoise et a fait l'erreur énorme de me faire une ardoise. Non, en vrai je bois beaucoup moins, mais t'as vu le prix du demi. Que Dieu m'en soit témoin, la bière n'est plus l'ennemi. Elle me rend plus triste, ou roulant sous la table, je me suis mis au pastis et c'est beaucoup plus rentable. J'ai été macho malheur, mais j'ai bien fait mes devoirs. J'ai lu Judith Butler et Simone de Beauvoir. J'ai rayé de ma liste toute galanterie. Moi je suis un vrai féministe et j'aime pas trop ces conneries. Ne me reparle pas de mes infidélités. J'aimerais que tu me crois quand je dis que j'ai changé. J'ai compris la chandelle ne vaut pas les émois. Je te serai fidèle tant qu'aucune vie de moi. Bon, je l'avoue, en gros, je n'ai pas trop changé. Je reste le même enfant de salaud que t'as quitté. Mets-toi dans ton cocon, quand je vois ce que t'es devenu, je me dis que rester con,